Bonjour, je suis Lucie Inland. Le samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019 se tenait aux Ateliers du Vent, à Rennes, le festival de littérature féministe Dangereuse Lectrice. Pour cette première édition, la figure de la sorcière fut convoquée. Je m'y suis rendue le samedi 28 avec Fanny. Nous vous livrons quelques extraits de conférences et ressentis du public. Bonne écoute. Est-ce que tu peux te présenter, du coup ? Qui es-tu ? Que fais-tu ? Comment t'appelles-tu ? Déjà, alors, je m'appelle Taous Merakchi, je suis autrice et j'ai 32 ans et j'ai officié pendant 10 ans sous le pseudonyme de Jack Parker et aujourd'hui j'ai rendu public mon identité, ma vraie identité, je ne suis plus qu'un super-héros. Je sors en collaboration avec Digli un grimoire de sorcellerie moderne le 23 octobre 2019 aux éditions Pygmalion, donc j'ai écrit le texte et elle l'a illustré. À côté de ça, je viens de terminer un podcast sur la mort qui s'intitule Mortel. Qui était hyper bien. Voilà, donc j'étais hyper fière. Donc pour nouvelles écoutes, on prépare un truc aussi, du coup je ne sais pas quand est-ce que dans la temporalité quand est-ce que ça va sortir, mais peut-être que Mortel n'est pas tout à fait mort. Teaser, on s'en doutait un petit peu. La mort ne s'arrête jamais. Voilà. Et à part ça, bah, en ce moment j'essaye de bosser sur ma transition à la fiction, qui n'est pas très évidente parce que c'est dur en fait d'écrire de la fiction. Mais ça faisait quelques années que t'en parlais déjà, je me rappelle de la période de j'essaie d'écrire un bouquin. C'est très dur, mais en fait il a fallu que j'ai la bonne idée. J'ai cru avoir la bonne idée plusieurs fois, là je pense que j'ai vraiment la bonne idée. Je l'ai pitché à mon éditeur chez Flammarion qui m'a dit c'est effectivement une très bonne idée, maintenant tu me fais un dossier de présentation. J'ai fait yes. C'était il y a 4 mois. Donc voilà. Non, mais t'as pas signé de contrat, c'est bon. T'es pas en retard. Exactement. Donc, j'ai tellement 1000 trucs à faire en ce moment que je ne peux pas me concentrer là-dessus. Mais en tout cas, voilà, j'ai un pitch sur lequel j'aimerais travailler. Après, est-ce qu'il va voir le jour ? Je ne sais pas. Mais... C'est bien parti. Voilà. Ceci étant, c'est. Au moins, j'en ai parlé à mon éditeur, ce qui est quand même. C'est pas juste resté dans ma tête, quoi. Ben oui, mais c'est quand même. T'as eu une belle progression, quand même, ces 2-3 dernières années. Ouais. C'est passé de je rame grave à enfin, ça se débloque. Okay, ouais. Moi aussi, à titre personnel, ça me fait beaucoup de bien en disant peut-être qu'à un moment ça se débloquera aussi. Ces carrières-là, c'est des investissements sur le long terme. Il faut vraiment y croire et planter des graines et les regarder pousser en disant ah là, il y a une feuille, super, je ne peux rien en faire. Et regarder la même pousse pendant 6 mois en les arrosant et en continuant d'y croire. C'est très difficile. Pour l'ego aussi, c'est pas simple. Mais putain, quand ça paye, ça paye. Bon, ça paye bien. Non, pas en vrai. Mais, non. En termes de gratitude, de reconnaissance et d'expérience, c'est vraiment, vraiment hyper. Ça en vaut la peine, quoi. Donc, comment tu te sens là pour le moment, Rennes, le festival, l'accueil, t'as trop kiffé, bien. Ça va. L'accueil est absolument génial, hyper chaleureux. Pendant la table ronde que j'ai faite, j'ai eu un peu l'impression de pédaler dans la semoule, mais à la sortie, il y a plein de gens qui m'ont dit mais non, mais en fait, c'était vraiment cool, c'était super, je t'assure, parce que je suis toujours persuadée d'avoir fait de la merde parce que je suis évidemment mon pire juge et ma pire ennemie et que malgré des années et des années de thérapie et de travail sur moi-même, je ne suis pas encore sortie du syndrome de l'imposteur et de mes problèmes de légitimité et que je suis toujours persuadée d'être moche et nulle. Et puis va parler devant 350 personnes aussi. Ouais, voilà, c'est pas évident. C'est pas pour rien que j'ai choisi l'écriture. À la base, oui. Je suis censée être cachée, tu vois. Oui, je comprends. Moi, je fais que des trucs pas devant les gens. Quoi. Bah voilà. Et en fait, tu fais ce genre de métier, tu fais ah, ça y est, j'ai fini mon bouquin, je suis tranquille. Fais, bah non, en fait, maintenant, faut aller en parler devant plein de gens. Ah bon ? Est-ce qu'on peut pas faire un hologramme comme avec Mélenchon ? Non, c'est pas possible. Non, mais j'enregistre un message automatique et voilà, vous passez la cassette. Oui, la cassette. On est en 2019, tout va bien. Non, mais quand tu seras très très connue, je pense que tu pourras faire tel Beyoncé et devenir rare et n'envoyer que des audios ou des vidéos. Je pense que ouais, ça, c'est un truc qu'il faut garder à l'idée. Donc ouais, bien. Ouais. Très bien. Ouais, vraiment bien. C'est une super ambiance. C'est hyper safe, hyper agréable. On se sent pas jugé. Je me sens pas en danger. J'ai pas l'impression que si je dis un mot de travers, ça va être une catastrophe. Non, c'est hyper bienveillant. Ouais, t'avais été invité relativement vite par rapport au montage du projet. T'as été contacté c'était tôt. Ouais, ça fait quand même un moment. Ouais, moi, ça fait un moment que j'en ai entendu parler. Je pense que ça a été... Tout début du truc. Ouais, parce que c'est vrai que je me souviens, quand ils m'ont dit la date, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils me foutent un truc en septembre ? Est-ce que je sais comment je m'appellerai en septembre déjà ? Finalement, tu vois, ça a marché. Mais ça me fait toujours peur quand on me prévoit des trucs sur le très long terme, parce que je me dis, mais qu'est-ce que tu vas me projeter 6 mois ? Qu'est-ce que je serai encore vivante dans 6 mois ? J'en sais rien, c'est hyper flippant de prévoir un truc 6 mois à l'avance. Mais tu sais qu'il y a une chorégraphe que j'adore qui s'appelle Gisèle Vienne. J'attendais de voir sa nouvelle pièce avec impatience parce qu'elle travaille avec le Théâtre National de Bretagne qui est à Rennes. La pièce est annulée parce qu'une des deux actrices principales est décédée cet été. Donc tu as raison. Tu vois, quand je vois les concerts, genre, on arrive en 2021, mais qu'est-ce qu'on sera encore là en 2021. C'est vachement optimiste. Mais oui. Donc oui, tout s'est Donc voilà, très, du coup là, c'était passé. Pour une fois, j'ai dit oui et je ne regrette pas du tout. Pas trop fatigué, ça non, va. Non, enfin un peu claqué, mais pas plus façon, que j'ai l'habitude d'être claqué. Donc tu avais déjà parlé du bouquin, j'ai vu que ça avait été décalé pour un petit détail parce qu'on a demandé un détail graphique particulier qui nécessite de faire appel à une autre boîte d'impression qui n'est pas celle où Hello Call, l'éditrice nous a dit vraiment trois fois, vous êtes sûr, hein, vous y tenez vraiment, allez, oui, oui, on n'en démordra pas, on veut ce détail. Et du coup, on aura ce détail, mais on est obligé de décaler la sortie à cause de ça. Mais bon, on s'est dit, sachant qu'elle a déjà été décalée d'un an, t'es censée sortir l'année dernière. Bon, oui, à quelques semaines près, c'est pas très grave. Oui, puis même le fait de venir ici, les mains vides, entre guillemets. Ça, c'était un peu frustrant. Ouais, mais vous aviez d'autres trucs à présenter, et puis ça permet d'en parler avant. Et mais c'est vrai que là, pour les dédicaces, c'est hyper frustrant de ne pas pouvoir les signer, quoi, parce qu'on n'arrête pas d'en parler et d'en faire monter la hype. Et je me dis, bah oui, bah vas-y, montre, quoi. Bah ouais, mais ça sera pour une prochaine fois. J'espère. Donc, du coup, comment ça s'est passé la conception de ce bouquin, comment, qui a eu l'idée en premier, pourquoi comment s'est fait le choix de travailler avec Digli, fin... Alors, en vrai, moi, je voulais écrire un grimoire depuis que j'ai environ 8 ans, je pense. Parce que j'écrivais déjà mes propres grimoires à l'époque, j'inventais mes formules magiques et tout. Oh, incroyable. Et des trucs du charabia qui voulaient rien dire. Et un jour, d'ailleurs, je suis retombée sur un vieux grimoire et j'ai dit à voix haute la formule que j'avais inventée pour les inondations, pour provoquer une inondation. Pour rigoler, je l'ai dit à voix haute. Un quart d'heure plus tard, la machine à laver éclate. Et elle a inondé toute la buanderie. Et vraiment, je me suis regardée en faisant j'ai un pouvoir extraordinaire. Bon, après, j'en ai essayé plein d'autres, ça n'a pas marché. Ouais, mais bon, après. Mais c'était fou, cette coïncidence, quoi. Après, une fois que t'as regardé Evil Dead aussi, ça peut te vacciner. Voilà. Là, tu savais d'où ça venait. C'est quoi, ça, au moins. Bon. Mais par contre, si c'était pas moi qui l'avais écrit, j'aurais jamais lu à voix haute. Hein. Non, non, non, jamais. J'ai été biberonné au film d'horreur, donc non, je sais. On connaît. Il y a plein de choses. Ouija, pareil, je n'y toucherai jamais. Voilà. Je suis pas sûre de savoir me protéger et de savoir fermer les portails et tout ça. Donc, si je suis pas sûre, je ne laisse personne rentrer. Oui. Bref. Bref. Donc, le grimoire, c'est à partir du moment justement où il y a eu ce regain d'intérêt dans la pop culture et les médias pour la sorcellerie, où je me suis dit en fait peut-être que maintenant je peux enfin en parler sans passer pour, sans une, passer illuminée, pour une zinzin, ouais. Voilà, parce que en réalité dans les faits absolus, ça fait au moins 20 ans que je pratique, on va dire 15 ans sérieusement, parce que voilà, à 8 ans j'écrivais mes formules magiques et je faisais des potions et tout ça, mais bon, j'avais 8 ans. À partir du moment où j'ai vraiment commencé à lire des livres et à m'intéresser à des supports, c'était, j'avais 15 ans, donc ça fait longtemps que je m'y intéresse. Ouais. Et je me suis dit, bon, c'est quand même chiant de garder cette partie de ma personnalité cachée et pas pouvoir en parler. Du coup, j'ai créé une newsletter qui s'intitulait Witch Please, où je parlais de ce genre de sujet-là. Un peu pour tâter le terrain, voir s'il y avait de l'intérêt, je me suis dit, bon, il va y avoir 50, 60 abonnés. Je me suis retrouvée avec 3500 abonnés en 3 semaines. Et un abonnement Mailchimp beaucoup trop cher. Voilà, à gérer, exactement. Donc, c'est en partie pour ça que j'ai arrêté. Et parce que je me suis dit, je vais en parler à mon éditeur. Mon éditeur, donc chez Flammarion, m'a dit, clairement, chez Flammarion, on le fera pas. C'est pas dans notre ligne édito. Par contre, je peux te mettre en contact avec une nana de Pygmalion. Elle, je pense que ça l'intéressera. Donc hop, il nous a présenté par mail. J'ai fait mon pitch. Elle m'a dit grave, viens, on se rencontre. Et là, j'ai fait la newsletter, stop, terminé, parce que je vais me répéter, ça va être chiant et je préfère. Et puis c'était quoi? C'était 30 ou 50 balles par mois. 50 balles par mois. C'est pas rentable du tout. Non. Pas rentable du tout. Et ça me prenait beaucoup de temps, quoi. Ou alors faut demander aux gens de payer. Bah c'est ça. Et c'est compliqué. Autant faire un bouquin. Voilà. Et c'est exactement mon cheminement de pensée. J'ai vraiment fait en fait, quand tu pèses le pour et le contre, ça va vite, quoi. Et donc j'ai arrêté la newsletter en expliquant pour la dernière édition. Je me rappelle. Il va y avoir un bouquin. Voilà. Donc pour dire, j'arrête pas non plus pour rien, vous inquiétez pas, ça va venir. Sauf que ça, c'était il y a un an et demi. Oui, c'était comme pour Passion Monstrueux, quand t'avais arrêté le blog, t'avais expliqué, il s'arrête pour devenir autre chose, quoi. Exactement. Et en fait, c'est exactement la même démarche que j'ai faite. C'est-à-dire que quand j'ai créé Passion Monstrueux, j'aurais jamais cru que ça deviendrait un bouquin. Mais maintenant que j'ai eu cette expérience, je me dis, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu mets un truc dans l'univers, tu montres que tu sais faire un truc, et comme ça, t'as un support soit à présenter aux gens, soit les gens le voient et après ils viennent te chercher, comme ça a été le cas pour Passion Monstrueux. C'est un éditeur qui est tombé sur mon blog et qui m'a dit, viens, on fait un bouquin chez Flammarion. Yes. Et là, quand j'ai présenté mon truc à Florence de chez Pygmalion, j'avais mes éditions de la newsletter, elle allait faire regarde, ça va être ça le ton, et c'est ça que je sais faire. Elle m'a dit nickel, on en fait un bouquin. Et quand on s'est rencontrés et qu'on a commencé à parler des éléments graphiques et de à quoi ça ressemblerait, tu verrais quelle illustratrice, toi. Je fais il y a celle avec qui j'ai bossé sur le Grand Mystère des Règles, qui est une de mes meilleures amies. Je serais pas contre la refaire bosser. Elle fait Digli, t'en penses quoi? Je fais évidemment. Et en plus Digli, le truc c'est que ça faisait longtemps déjà que régulièrement dans nos commentaires respectifs, il y avait des gens qui nous disaient, quand est-ce que tu fais un projet de sorcellerie avec Jack Parker? Quand est-ce que tu fais un projet de sorcellerie avec Digli? Donc on s'est dit, il y a une attente. Donc on va répondre à cette attente. Et en plus, déjà, on se connaissait avec Maureen, on s'entend bien. Et effectivement, nos univers vont bien ensemble. On est quand même assez compatibles. On est un peu dans les mêmes délires. Tu sais que tu vas pas passer 3 heures à expliquer ton Exactement. Projet. voilà. Ni ce que tu veux niveau style. C'est ça. Voilà. J'étais assez sûre. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y en avait une qui faisait une suggestion, l'autre disait, bah, j'allais dire pareil. Donc, Très bien. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Et ça a été une évidence. Et quand on lui a proposé, elle a fait, bah oui, même pas réfléchi, je crois. Donc j'espère. Ça, c'était il y a 2 ans. Là, ça, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Ouais, c'était en 2017. Donc ouais, c'était il y a 2 ans. J'imagine que du coup, c'est un projet qui est hyper important pour toi vis-à-vis de la place que ça prend dans ta vie à titre privé. Bah oui et non, parce que en fait, plus ça va, plus je me dis, c'est pour ça que je le sors sous Jack Parker et pas sous Taous Merakchi. Ah oui. C'est que je ne veux pas non plus être totalement associée à ça. C'est-à-dire que ma spiritualité, c'est une petite partie de ma vie en réalité. D'accord. Et c'est pas une grande partie de ma vie d'autrice. C'est ma vie personnelle. Et du coup, je veux pas être l'autrice sorcière ou l'autrice ésotérique. Tu vois, je veux pas avoir cette étiquette-là. C'est juste, j'ai fait ce truc-là parce que ça me tenait à cœur et parce que j'ai des choses à dire et parce qu'on me le réclame vraiment tout le temps. Il y a vraiment plein de gens qui m'envoient des messages en disant, t'as pas un livre à me proposer pour commencer, qu'est-ce qu'on lit pour... je vais vous le faire en fait, comme ça, parce que c'est vrai que ça manque en France, quoi. Il y en a pas beaucoup, donc je me dis bon voilà, je réponds à cette demande et j'essaye de le faire de la façon la plus honnête et la plus cool possible, mais ça ne me représente pas en tant qu'autrice. D'accord. Je ne veux pas que ça me représente en tant qu'autrice parce que j'ai d'autres projets beaucoup plus personnels, parce que comme je t'ai dit, je veux faire de la fiction, je veux raconter plein d'autres choses et je ne veux pas que ce soit quoi teinté de tout ça en fait. C'est autre chose, c'est une autre partie de ma vie, c'est ma spiritualité, c'est une annexe, tu vois, genre voilà, je vous ai donné ça, maintenant on passe à autre chose. Et du coup, maintenant, comment tu fais la différence entre Jack Parker et Taous Merakchi? Comment tu as décloisonné ce truc-là en utilisant ton nom de ville? Comment tu utilises encore l'un et comment tu utilises encore l'autre? Bah, c'est justement par rapport à ces critères-là, ça a été une longue discussion avec moi-même sur quel nom j'allais sortir ce grimoire, vu qu'entre-temps, j'avais fait Mortel sous Taous Merakchi. Pourquoi d'ailleurs? Parce que c'est personnel, parce que c'est l'histoire de Taous Merakchi. C'est-à-dire que l'histoire avec mon père et tout ça, machin, Jack Parker, elle n'était pas là. Hein. C'était Taous Merakchi à l'époque. Donc toute cette histoire-là, c'est l'histoire de Taous, c'est mon histoire personnelle. Jack Parker, c'est mon personnage, c'est sur internet, c'est mes chroniques, c'est tout. D'accord. Ce que j'ai fait en ligne en fait. Okay. Et du coup, les règles, c'est parti d'un blog, c'est ma vie internet, même si aujourd'hui, j'avoue, je suis un peu triste de pas l'avoir sorti sous Taous Merakchi parce que c'est vraiment un texte personnel et dont je suis assez fière. Et alors que Witch Please, il y a moins de moi dedans. C'est ce qui ressemblerait le plus à un boulot de commande, même si c'en est pas un. C'est le plus impersonnel de mes projets. Du coup, ça me dérange pas que ce soit Jack Parker et qu'on pense pas à Taous Merakchi quand on voit ce grimoire. Parce que c'est un peu un projet de l'internet, mais sur du papier. Voilà, c'est ça. D'accord. Okay. C'est une extension de ça, c'est un monde internet, c'est de la féerie, alors que quand je parle vraiment de trucs qui me touchent profondément et qui font partie de ma vie, ou Taous Merakchi, il n'y en a pas 15 000. En plus, ça peut facilement revenir à ma famille, et j'écrivais des trucs vraiment très intimes sur Mademoiselle. Oui. Je voulais pas que ça mélange tout. Et aujourd'hui, je me dis, putain, mais en fait, non, je veux qu'on sache que c'est Taous Merakchi qui a écrit ça, et qu'on peut s'appeler Taous Merakchi et écrire ça et réussir dans la vie. Puis t'as plus le même âge aussi. Et j'ai plus le même âge, surtout. Mais... devenu vraiment plus connu et public qu'avant. Et qu'en vrai, pour trouver mon prénom, il fallait pas faire 50 000 efforts non plus. Et les gens connaissaient ma gueule, ils avaient vu des photos de ma mère, ils ont vu des photos de mon mec, ils ont vu mon chat, ma chambre, tout ça. Je me suis dit, bon, franchement. Ça sert plus à rien. Voilà. Je suis plus à un prénom près. Et surtout, cette identité, ce prénom, mes origines, j'ai eu honte de les porter pendant si longtemps qu'aujourd'hui, vraiment, j'ai plus envie de me cacher. Parce que je veux montrer aux gens qui potentiellement en ont honte aujourd'hui qu'on peut en être fier. Et que putain, bah voilà, c'est ça la diversité. En fait, il y a des Lucie, il y a des Taous dans ce métier. Et c'est cool qu'on les voit, quoi. Et donc, oui, Jack, ça m'a servi. Et j'aimerais toujours Jack Parker et ce sera toujours mon personnage. Mais maintenant, c'est Taous Merakchi qui parle le plus souvent, quoi. D'accord. L'effet de mode autour du sujet de la sorcellerie, qu'est-ce que ça révèle selon toi que ça revienne spécifiquement en France? Bah, déjà, je pense, enfin, ça revient dans tout le monde occidental. Après, en France, ça vient parce que on est très influencé par les États-Unis et qu'en ce moment, aux États-Unis, ça cartonne. Oui. Même si là, ça a toujours eu une place aux États-Unis que ça n'a pas forcément eu en France. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, déjà, la religion, la Wicca est reconnue aux États-Unis, oui, alors qu'en France, vraiment. Déjà en France, on a du mal à comprendre qu'il y a autre chose que des catholiques. Donc... C'est ça, voilà. Donc vraiment, et en plus, on est tellement anticléricaux et anti-système, anti-dogme et tout ça, on a super peur de tout ce qui est. Anticlérical tout en ayant ce vernis catholique. Ah, mais oui, ajouter un truc de spiritualité alternative par-dessus, c'est terminé. En France, le seul truc qui marche vraiment, c'est l'astrologie. Puis il y a la méfiance vis-à-vis des sectes. Voilà. En plus. Parce que je crache pas dessus, ah bah oui. Mais ça fait beaucoup trop de choses à mais prendre oui, en compte. Et ça mélange France. Tout. Et en fait, on se méfie de tout ce qui n'est pas rationnel, tangible et qui n'existe pas depuis, enfin, qui n'est pas installé, en tout cas dans la norme, depuis des milliers d'années. Oui, enfin, les Rose-Croix, ils ont réussi à s'implanter alors que c'est une connerie 19e-iste, mais bon. Oui, mais comme c'est des hommes blancs, bon. Oui, voilà, ils ont le droit de raconter ce qu'ils veulent. Exactement, hein. Il y a une jurisprudence homme blanc. Mais du coup, ouais, je pense que dans notre génération, voilà, on est très. On a une fenêtre sur le reste du monde qui est quand même vachement plus large. Enfin, on a une baie vitrée, alors qu'avant, ils avaient vraiment un petit Vélux de merde. Ce qui a beaucoup beaucoup d'avantages. Qu'on a aussi besoin de croire en quelque chose. On a besoin de retrouver un semblant de contrôle parce que, bah, comme je le disais pendant la table ronde, notre monde il est nul à chier. Vraiment, on a tellement d'informations que du coup on est au courant de tous les trucs nuls. Avant, je pense qu'il y avait beaucoup de trucs nuls aussi. Trucs nuls. Mais voilà, il y avait beaucoup de trucs nuls avant aussi. C'est pas nouveau. C'est juste que ce qui se passait de nul au Brésil, on n'était pas forcément au courant à l'époque. Maintenant, dans l'heure, on sait, même dans les 5 minutes, on sait ce qui se passe. Et partout où on regarde, c'est pourri. Et les générations précédentes nous ont laissé vraiment un monde en ruine. Et après, ils nous regardent en disant bande de capricieux. Vous êtes sérieux? Vous avez niqué l'économie, vous avez niqué le climat, et en plus, vous nous traitez capricieux alors que clairement, on sait qu'on va pas avoir de retraite et que potentiellement, on va tous mourir à 50 ans. Dans la sorcellerie et dans tout ça, il y a un truc de pouvoir, il y a un truc de contrôle qui nous manque beaucoup. Je pense que c'est pour ça aussi que, encore plus que la sorcellerie, l'astrologie marche vachement parce que les gens peuvent se reconnaître dans quelque chose. C'est comme quand on était ado et qu'il y avait les métalleux, les skateurs, les rappeurs, les machins. On avait besoin d'une étiquette et d'une tribu. Et ben là, maintenant, il y a les gémeaux, les scorpions, les ascendants lions, les machins. Ah oui, non, mais toi, c'est parce que t'es scorpion, ascendant gémeaux, c'est pour ça. On a besoin de mettre des explications sur des trucs parce que on sait pas forcément. Enfin, il y a tellement de choses qui sont incertaines, mais tellement. Qui soient pas non plus du dogme. Voilà. Voilà. Et qui sentent pas le patriarcat et le vieux truc ancestral. En miroir de ça, t'as la sorcellerie qui te dit, en fait, tout est à ta portée. Tu peux changer les choses, tu peux changer ton état d'esprit, tu peux changer la réaction des gens autour de toi, tu peux changer la façon dont tu vis chaque événement de ta vie, tu peux provoquer la chance. Et après, c'est des trucs, il y a des gens qui mettent d'autres termes dessus, ça va être la prière religieuse pour certains, pour d'autres ça va être la pensée positive, pour d'autres ça va être les lois de l'attraction. C'est la même chose en réalité, c'est juste qu'on met potentiellement un dogme et des mots différents dessus, une spiritualité, toute une mythologie autour qui est différente. Moi, je la trouve très attirante, celle de la sorcellerie, parce qu'elle est libre, elle a moins de limites, elle est hyper ouverte, et c'est vraiment un buffet, quoi. On peut se servir. Alors après, il faut faire attention, parce que on joue pas non plus, enfin, c'est pas un hobby, c'est pas oh, je vais me mettre au crochet, puis dans 6 mois, si ça me fait chier, j'arrête. Non, on joue vraiment avec des trucs, si on y croit, on joue avec des trucs importants, et il faut avoir conscience de sa place dans l'univers, et potentiellement de son influence. Et du coup, c'est pour ça que ce qu'on fait, il faut le faire en pleine conscience. Donc quand on répond à quelqu'un, quand il y en a dans le métro, quand quand on croise quelqu'un et qu'on le regarde, il faut avoir conscience, même si bon, faut se laisser vivre aussi, non, c'est pas, faut pas se surveiller à chaque fait et geste. Quand mais... t'habites à Paris, clairement, voilà, il y a des moments où j'arrive pas, là, je peux pas être agréable, je ne le serai pas, je suis désolée. Je ferai mieux demain, puis on verra. Mais dans la mesure du possible, il faut vraiment être conscient de ce qu'on renvoie au monde, parce que c'est pour moi avéré, plus tu mets de bon dans le monde, plus t'en reçois. En tout cas, moi j'ai vraiment vu les fois où dans ma vie j'étais en colère contre le monde entier et j'étais infecte, et ben ma vie elle était nulle à chier. Et quand j'ai commencé à me dire, allez, c'est pas grave, vas-y, je suis énervée, mais j'envoie des bonnes ondes, et ben en vrai, je suis pas riche et je suis pas célèbre et je suis pas extraordinaire, mais j'ai de la chance et j'ai une vie plutôt chouette et il m'arrive des trucs vraiment cool et je reçois beaucoup d'amour de la part de gens qui me connaissent absolument pas parce que j'envoie des trucs dans le monde qui leur fait du bien. Et ça peut être magique ou pas, on s'en fout de la façon dont ils l'interprètent. Pour moi, c'est magique. Non, et c'est ça le plus important. C'est quand même vachement plus facile de vivre une vie où tu essaies de faire au mieux, bah ouais, d'essayer d'avoir conscience de l'impact que tu as sur et toi et les autres, plutôt que de jouer à la connasse égoïste qui se défoule sur les autres quand ça va pas et te dire, ah, je comprends pas, il y a rien qui marche. Ah, bah ouais, t'es sûr de pas comprendre. Tu es sûr de ne pas comprendre. Même si après, il y a des trucs dans la vie qui font que tu peux pas forcément. Par exemple, quand j'étais en dépression, j'étais vraiment incapable. Non, mais ça, c'est la dépression. Et voilà, c'est la dépression. Et voilà. Dans ces moments-là, il faut pas culpabiliser non plus en disant, pas rentrer dans un discours de mais non, mais souris à la vie te sourira. Bah non, qu'en fait, si je suis malade, je suis malade. Je vais pas, je peux pas sourire à la vie. Laisse-moi tranquille. Si j'arrive déjà à me doucher, ce sera un miracle. Oui. Mais voilà, mais c'est ce que ma mère m'a toujours dit, c'est l'empathie qui sauvera le monde. Et je pense qu'on gagnerait tous, magie ou pas magie, à faire plus preuve d'empathie, quoi. Et du coup, comment ça se passe en général, tes autres projets? J'ai vu notamment ton Patreon. Alors moi, je suis frustrée parce que du coup, je peux plus lire ce que t'écris. Parce que je galère déjà à me faire payer pour mes propres projets. Mais je comprends. Non, mais c'est pour ça, en fait. Mais après, je comprends très bien. Mais oui, voilà. Mais c'est quand j'ai créé ce Patreon, je me suis dit, putain, je suis en train d'exclure des gens. Et en même temps, j'ai besoin de thunes. Donc, je suis obligée d'exclure des gens. Donc, c'est vraiment la peste et le choléra, quoi. C'est soit je fais payer les gens et du coup, il y a moins de gens qui me lisent, mais au moins j'ai un peu plus d'argent. Soit je fais tout gratos et c'est cool et tout le monde y a accès. Mais en attendant, je sais pas comment je paye mes factures. Donc, après, j'ai pas une production énorme non plus sur Patreon. Oui. Donc... Puis ça reste énormément non plus de personnes abonnées. J'ai 55 personnes là et ça fluctue. En fait, à chaque fois que le virement passe en début de mois, les gens font ah oui, tiens, il y a 5 euros qui sont partis. Ah finalement, non, j'ai pas envie. Et du coup, ils se désabonnent. Donc, à chaque début de mois, j'ai une perte d'abonnés et après, ça revient dans le mois. Donc, ça fluctue entre 50 et 60, ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est un modèle économique. Pour réussir à le tenir, il faut être sûr d'être suivi par vraiment un paquet de personnes. Je peux dire que j'ai mis des mois et des mois avant d'oser sauter le pas. Après, faut tenter. De toute façon, dans le Et voilà, j'ai fini par me dire, vas-y, tente. Mais pour l'ego, c'est dur. genre surtout au début, c'est les premiers jours où t'as 3-4 abonnés, tu fais ah putain là. Honte, les gens qui ont vu le truc, qui se lancent et qui font ah ouais, il y a vraiment personne qui l'a. Enfin, tu vois. Ah, c'est que tout le monde est fauché. Ouais, exactement. En vrai, c'est ça. Et que, en vrai, je comprends, vu le nombre d'abonnements qu'on a entre Netflix, Spotify, tout ce que tu veux, machin, pourquoi moi, une seule personne, plutôt qu'une publication comme Le Monde ou un magazine qui te propose vraiment tout son catalogue pour 5€ par mois, pourquoi tu paierais 5€ juste pour les articles d'une personne? Oui. C'est normal que les gens hésitent. Et il y a plein de gens qui se sont abonnés et qui m'ont envoyé des messages en disant franchement, te prends pas la tête sur le rythme de publication. Moi, je mets de la thune parce que je veux te soutenir, mais je m'en fous que tu publies des articles. Et il y en a d'autres, clairement, je vois, qui se désabonnent parce qu'ils voient qu'il y a pas, ça en vaut pas la peine pour eux, en fait. Ouais, donc, puis t'as un mois, tu stresses trop, et tu fais, bah, je me rabonnerai peut-être plus tard quand la facture d'électricité elle sera passée. Exactement. Donc je comprends, mais. Parce que là, du coup, t'as fait le choix de vivre que de ton clavier. T'es full autrice, tu fais un peu de pige, j'imagine, même plus. Bof, c'est vraiment, je vis de façon très précaire au RSA et avec tous les trucs que je peux grappiller à droite à gauche, les petits contrats, les choses, les machins. Ouais, donc. RSA et bouquins, quoi. Voilà. Mais ça aussi, c'est un choix que tu as décidé de te lancer à un moment donné en disant que... Ouais, parce que j'ai bossé plusieurs fois dans des boîtes. À chaque fois, j'en suis partie de nouveau en dépression. Et au bout de quelques mois, je me dis, c'est terminé, j'arrête. Et au bout de quelques mois, je vois mon compte en banque et je fais, là, je vais reprendre un taf, je suis obligée. Et j'y retourne en me disant, cette fois, ça va aller. Et boum, dépression. Et je préfère crever la dalle et manger des pâtes au beurre, mais savoir pourquoi je le fais, plutôt que, réussir à payer mes factures, mais rentrer chez moi et avoir envie de crever et me lever le matin en me disant, mourir ou aller bosser. Franchement, c'est pareil. Donc tu sens plus soulagée maintenant, même en ayant Je suis stressée pour la thune, évidemment, tu vois, je suis pas non plus vendre une vie de rêve, tu vois, tous les mois je me dis là je suis à découvert de ouf. Puis le RSA à Paris, quoi. Oui, non, le SMIC à Paris, non. Exactement. Non, mais en plus le RSA c'est tellement mal foutu parce que c'est des déclarations trimestrielles. J'ai gagné mes droits d'auteur en mai et du coup j'ai eu pas mal de thunes, j'ai plus rien pendant 3 mois, ça sert à rien mes économies parce que du coup elles vont partir et du coup dans 3 mois j'aurai de nouveau besoin de vous. Enfin bref, de toute façon c'est des statuts qui comprennent pas. Voilà, le statut auteur, c'est vraiment une catastrophe. Non, puis même le fait de travailler que très ponctuellement, déjà rien que ça, ils comprennent pas. C'est, il devrait faire tous les mois comme Pôle emploi. Mais c'est très compliqué. Mais malgré tout ça, t'es quand même. Mais malgré ça, je suis vachement. J'ai jamais été aussi bien de ma vie. Ouais. Là, ma psy m'a dit, il y a 2 semaines, vous allez bientôt plus avoir besoin de moi. Genre le truc que t'as toujours rêvé d'entendre, quoi. Il m'a toujours pas dit ça, le mien. mais vraiment, ça fait 3 ans et demi que je la vois. Quand je suis allée la voir, j'étais vraiment. J'étais persuadée que j'allais crever dans le trimestre. Hein. Pour moi c'était sûr que j'allais pas m'en remettre. Je suis bon, vas-y, c'était j'y vais. C'était pour le décès de ton père. Ça a été le truc que j'étais déjà en dépression depuis 15 ans, donc plus ou moins, et là ça a été le truc qui m'a fauché complètement, où je me suis dit vas-y, j'arrête tout, j'en ai rien à foutre, je vais me laisser crever, et puis voilà. Et mon mec a failli me quitter et ça a été l'élément déclencheur. Donc je me suis dit, en fait je l'aime bien et je sentais que il avait pas envie de me quitter du tout, c'est juste qu'il il pouvait plus être avec moi et il m'aimait profondément, mais c'est trop je lourd. Lui donnais plus rien, quoi. Je ne lui donnais rien, il arrivait chez moi, j'étais en jogging et je lui disais salut. Et nul. Et donc au bout d'un moment tu soutiens et tu peux plus, c'est normal, quoi. Et là je me suis dit est-ce que je me bats ou est-ce que vraiment je me laisse mourir? Et comme j'ai quand même un instinct de survie assez fort, je peux j'essaye, dernier sursaut. Et effectivement je suis tombée sur une psy extraordinaire qui m'a vraiment sauvé la vie. À côté de ça j'ai fait un traitement aussi antidépresseur, très important de préciser, c'est pas que la thérapie qui m'a sauvée, mais aussi les médocs. Je trouve ça bien de le répéter. C'est important. Les gens qui disent tu prends des anxiolytiques mais t'as pas pensé à la méditation, la respiration. Je fais des exercices de respiration, mais les jours où j'arrive pas à sortir, là en fait chez j'ai pas de sérotonine, donc c'est pas tranquille, parce que je me dis si jamais je vais prendre un truc, bien sûr t'iras pas faire les courses à ma place. J'ai une fracture ouverte, je mets un plâtre et je prends des béquilles, quoi, c'est la même chose. Mais ça se voit pas, les gens arrivent pas à... Donc voilà, c'est pour ça que je mets aussi un point d'honneur à en parler de plus en plus, très ouvertement, parce que je pense que c'est très important de déstigmatiser tout ça. Mais t'en avais même parlé dans Mortel, de toute façon. J'ai parlé de toutes mes envies de mourir, tout ça, de mes tentatives de suicide. J'ai été complètement, en vrai c'était des tentatives de suicide, donc clairement des appels à l'aide, j'ai parlé de tout ça très clairement parce que ça fait partie de la vie. Et que aujourd'hui tous les gens qui me regardent en disant je pourrais jamais être elle parce qu'elle a réussi, parce que machin, ils savent pas tout ça. Ils se disent, eux ils en sont au même stade, en se disant mais je pourrais jamais y arriver parce que moi j'ai envie de crever, machin. Moi aussi en fait régulièrement je me dis aller faire la vaisselle ou mourir. Ouais, mais ça, c'est un peu le côté te dire moi j'ai que 750 abonnés, elle en a 12 005, ça veut dire que sa vie est forcément plus intéressante, plus formidable. Et tu genre mais si tu veux vraiment faire l'échange de vie avec quelqu'un, tu prends tout. Qui a vraiment envie de tout prendre dans la vie? Évidemment. Donc ça marche pas comme ça. Mais c'est pour ça que ça a toujours été ma façon de faire dans ma carrière depuis le début, c'est full transparence. Alors après il y a certaines choses que je garde pour moi parce qu'il faut quand même garder une intimité, faut pas déconner. Mais c'est pas la transparence, c'est pas tout. Mais voilà, c'est ça. Il y a des gens qui confondent. C'est t'assumes ce que tu donnes. Exactement. Et que du coup, je donne toute la, enfin la version complète de l'histoire. C'est que je vais pas te dire ouais j'ai été sauvée, je m'en suis sortie toute seule, je me suis battue. Non, je te parle aussi des moments où vraiment j'étais enfermée dans ma crasse en train de me dire mourir c'est stylé. Est-ce que je me défenestre ou est-ce que je me taille les veines? Non, parce que c'est important et parce que il y a plein de gens qui sont seuls, mais seuls dans ces trucs-là parce qu'il y a personne à qui ils peuvent en parler. Moi, j'ai eu la chance énorme d'avoir une mère avec qui j'ai zéro tabou et à qui j'ai pu parler de ces choses-là et qui m'a aiguillée vers des psys et qui a fait des études de psycho dans son coin. Et oui, ta mère a l'air formidable. Non, mais elle est extraordinaire, ma mère. J'ai une chance, mais en fait, ma psy, quand j'ai commencé à la voir, la première séance, j'ai commencé à lui parler de mon père parce que moi, clairement, mes problèmes, 90% de mes problèmes, c'est mon rep. Alors que tu l'as très peu connu. Ah non, je l'ai très bien connu. Ah oui. Non, je l'ai très bien connu. C'est juste que j'ai connu la version de lui qu'il a voulu me donner. Mon père était mythomane. Oui, c'était dans ce sens-là. Voilà. Tu l'as très peu connu. Voilà. Et en vrai, j'ai découvert plein de trucs en se disant Mais oui, non, j'ai passé beaucoup de temps avec lui quand même. Il a fait partie de ma vie longtemps. C'est juste que j'ai 3 ans avant sa mort, j'ai coupé les ponts parce que c'était plus possible. C'était soit lui, soit moi en fait. C'était, ouais. J'allais mourir. Et donc quand j'ai commencé à voir ma psy, j'ai commencé à lui parler de mon père en disant mon père ceci, mon père cela, mon père machin. Et elle fait, vous savez, moi je suis pas freudienne, je suis plutôt jungienne. Donc je vais avoir tendance à chercher du côté de la mère. Et je dis ok, vous pouvez essayer, mais et au bout de quelques séances, je lui parlais de mère. Elle fait non mais de toute façon c'est bon, votre mère c'est l'exception qui confirme la règle. J'ai rien à lui reprocher, elle est parfaite. Chaque fois qu'elle dit un truc, ça m'énerve, voilà. Elle-même, elle l'a reconnue en disant vous avez vraiment une mère exceptionnelle. J'ai une chance inouïe d'avoir eu cette mère quand tu vois le père que j'ai eu. Bah, faut compenser. Hein. Voilà. Donc, heureusement que j'ai eu ça et c'est pour ça que j'en parle aussi parce que ça, pareil, rejeter ses parents, couper les ponts avec ses parents, avoir un parent toxique, c'est important d'en parler parce qu'on est extrêmement nombreux à être dans ce cas-là. En quoi. France, on est dans le truc de. Mais quand il même, faut aimer toujours ses parents. Tu leur dois la vie. Voilà. Mais je leur dois rien du tout. J'ai pas demandé à venir au monde. C'est ce que j'allais dire. C'est eux qui ont décidé. Mais hein. Oui. Moi, et surtout, tu fais pas un enfant. Faut arrêter avec ce mythe de je fais un enfant pour lui. Non, tu fais un enfant pour toi. Bien sûr. Même mes parents me l'ont dit. Bah oui, mais c'est ce en que disant, mais faut arrêter avec le numéro de l'égoïsme là-dessus. Oui. L'égoïsme, c'est nous, quoi. Bah mais, oui. Et du coup, même quand t'étais dans cette période hyper, hyper dure, même niveau spiritualité, là, par contre, même ça, oh là, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Oh non, t'étais incapable de. Incapable. J'entendais plus rien, j'entendais plus aucun message, je recevais plus aucun signe. Tout était noir. La déconnexion totale, ah ouais. Quoi. Vraiment, j'étais plus en phase avec mon corps, avec ma sexualité, avec ma santé, avec ma spiritualité. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. J'étais une coquille vide, quoi. Ouais, donc ça, c'est les limites quand même la sorcellerie et de la spiritualité. Ouh, en général, ça reste... Mais c'est pour ça que, et je le dis dans le grimoire, et j'insiste vraiment beaucoup là-dessus, c'est la médecine, les psys, les traitements médicamenteux. Enfin, je le dis dans le bouquin à un moment, c'est même quand on travaille sur des trucs sur l'humeur et sur les émotions, etc. Si ça va vraiment pas, faut aller voir un psy et prendre des antidepes, hein, ou alors des anxios, et faut pas avoir peur des traitements. La science, c'est trop cool. La science, c'est de la magie. En vrai, c'est des gens qui ont mélangé des trucs et qui ont fait « Wow, putain, ça soigne de la peste, ça guérit la toux, ça empêche d'avoir envie de mourir. » C'est des petits talismans, c'est des petits charmes, quoi. T'as des bons et des moins bons, mais c'est pareil dans tout. Mais bien sûr. Et c'est ça que je trouve génial, en fait, dans la sorcellerie moderne, c'est le mélange des sciences modernes et des sorcelleries et des croyances anciennes et des vieilles pratiques. Où, voilà, quand j'ai un rhume, bah, je vais me faire une potion avec mes petites choses. Mais par contre, si j'ai une angine, je vais prendre des antibiotiques et je me fais vacciner. Ouais, je suis pas non plus complètement. Ça, j'insiste vachement là-dessus dans le grimoire parce que c'est la différence entre ça et par exemple les dérives sectaires. C'est ça. Sans maintenant. Pas se faire vacciner, et puis il faut se couper du monde, et puis il faut pas donner son sang. Non, puis ceux qui vont vivre dans des villages parce qu'ils supportent pas les ondes et tout ça, machin, voilà, là, là, arrêtez de vous inventer des problèmes. Tu remarqueras que c'est toujours des blancs d'ailleurs. Ouais, alors, mais déjà, il faudrait arrêter de faire des papiers sur eux pour se faire de la thune, pour se moquer de la détresse des gens et plutôt leur dire tu veux pas aller en parler. Bah oui, c'est clairement des gens qui font pas bien. Moi, ça me met hyper mal à l'aise là-dessus en disant, mais au lieu de. Parce qu'en plus, vraiment, c'est. À chaque fois qu'on voit des documentaires là-dessus, ta réaction première, c'est de rire, évidemment, et c'est ça. Non, moi, ça me fout mal à l'aise. C'est vraiment, tu t'aurais pas pu angler ton sujet autrement, genre, qu'est-ce qui leur a mis ça en tête et peut-être, je sais pas, truc de fond, plutôt qu'il faut se déconnecter des ondes parce que je sens le wifi à travers mon corps, quoi, voilà, bon. Donc oui, voilà, c'est pour ça que je rappelle à chaque fois que je parle de spiritualité alternative, de sorcellerie et tout ça, que la science c'est cool, médecine c'est cool et c'est important, et que putain, si on a fait toutes ces avancées, c'est pas pour faire, c'est pas parce qu'on a un retour aux sources, un retour à la nature, etc., qu'il faut oublier tout ce qu'on a fait pendant des millénaires. Ouais, et puis on est en 2019, on peut parfaitement tout mélanger, mais parce que tout existe maintenant. Mais c'est ça, et c'est une richesse énorme, on a tellement de chances de pouvoir avoir les deux, donc profitons-en, quoi, jouons avec. On peut jouer avec la science et la magie en même temps, c'est trop cool. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @Lucy_Inland et Instagram @LucyInland en un mot, ainsi que Studio Dilettante sur Twitter @StuDilettante. À bientôt.